Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 24 juillet. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord dans un premier temps que c'était en fin de semaine au club de golf Domaine Lac-Saint-Jean. C'était le grand week-end golf organisé par les membres du club. C'était un succès sur toute la ligne. Le directeur général Junior Junot a mentionné que le beau temps était également au rendez-vous, ce qui a fait en sorte que cette belle fin de semaine-là a été couronnée d'un retentissant succès. C'est un succès sur toute la ligne, c'est pas compliqué. La participation a été, comme on dirait, on était plein pratiquement du début jusqu'à la fin. Un élément bien important, là, c'est sûr que la température, ça y fait là, pour beaucoup dans les événements extérieurs. Ah oui. S'il fait pas beau, ben ça brise tout le reste, là, les efforts. L'activité qui est intéressante pour les gens de la MRC Domaine du Roy, le golf était gratuit dimanche après-midi pour inciter les gens à pratiquer et à faire connaître le golf. Et Junior Junot est quand même content du résultat. Ben, je te dirais que ça a bien été. Ça n'a pas été nécessairement complet là toute l'après-midi. On a dû avoir une cinquantaine de personnes, 50 personnes là, qui se sont prévalues de la gratuité. Il y aurait pu en avoir plus. Il y a eu passablement de monde aussi au champ de pratique là, qui était gratuit également. Ouais. Les différents jeux, les gens ont du plaisir. Et c'est sûr que la température du matin, parce qu'hier matin, bon, il a plu, il a arrêté de pleuvoir, c'est allé jusqu'à midi et demi, là, c'était incertain, on savait pas trop. Ouais. Ça a fait probablement en sorte qu'il y a des gens qui ont décidé de changer leur programme ou de faire autre chose, tout simplement. C'est pour ça que, bon, la participation à ce niveau-là, mais bon,